الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue avec la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Et on avait parlé de Ghazwat Hunayn la semaine dernière. Et on avait rappelé ici la cause de la première déroute lors de cette bataille des croyants et des croyantes. On avait dit qu'ils étaient un peu trop sur deux. Et Allah Azza wa Jal avait rappelé leur comportement dans le Coran al-Karim, comme on l'avait cité la semaine dernière, quand il dit « Subhanahu wa ta'ala wa ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim wa laqad nasarakum allahu fi mawatini kathira wa yawma hunayn idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a al-ayat » Allah subhanahu wa ta'ala leur a rappelé que quoi, ils étaient trop sur deux. Et que al-Nasr la ya'ti illa bi'idhnillahi Azza wa Jal, le secours ne vient que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal leur a rappelé, ici dans le Coran al-Karim, il dit, Allah vous a déjà secouru en maint endroit, et rappelez-vous le jour de Hunayn, quand vous étiez fiers de votre grand nombre, et que cela ne vous a servi à rien. Et ça, on parle de qui? Est-ce qu'on parle de l'ensemble des croyants, ou est-ce qu'on parle d'une partie des croyants? On parle d'une partie des croyants. Et cette partie-là, c'était qui? Al-Judud fil Islam, les nouveaux dans la religion, dans l'islam, qui venaient d'embrasser l'islam. C'était des musulmans certes, na'am. Ils étaient musulmans. Ils étaient croyants. Lakin ils étaient nouveaux. Ils venaient d'embrasser l'islam. Et il y avait beaucoup d'entre eux qui étaient à la Mecque et qui avaient combattu le prophète alayhi salatu wassalam et qui étaient contre l'islam. Et ici, ils venaient de se reconvertir à l'islam ou de se convertir à l'islam, d'embrasser l'islam, d'accepter le prophète alayhi salatu wassalam comme messager. Alayhi afdalu salati wa askat taslim. Et ils n'avaient pas vécu, écoutez bien et méditez sur ces paroles-là, tout ce qu'avaient vécu al-muhajirun wal-ansar. Comme on l'avait dit la semaine dernière, irhamukallah. Comme on avait dit, on avait expliqué la semaine dernière. Ala kulli hal, on sait qu'ils n'avaient pas du tout subi ce qu'avaient subi al-muhajirun wal-ansar. Avec cela, comment a réagi le prophète alayhi salatu wassalam avec eux par la suite? Là, on est toujours ici dans la bataille. On a déjà expliqué comment elle s'est passée, Ghazwat Hunayn. On avait vu ça, bit-tafsil, bi-idnillahi azza wa jal, par la permission d'Allah azza wa jal, wa hadha min fadlillahi subhanahu wa ta'ala, et que ici, on implore Allah azza wa jal, ou plutôt on implore Allah azza wa jal ici de faire de cette biographie ici yani un mode d'emploi pour notre vie, qu'on puisse plutôt vivre avec cette biographie, qu'on puisse ici appliquer cette biographie et pas simplement l'apprendre, même que ça soit par cœur ou pas, mais l'apprendre, l'avoir suivi simplement pour dire j'ai suivi, j'ai appris comment a vécu le prophète quand il a fait Al-Hijra, quand il a fait Fathul Mecca, quand il a fait ceci, cela, et que ici, ça ne soit pas une science qui nous soit profitable et bénéfique. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin, kama qala alayhi salatu wassalam, la yanfa'. Comme le prophète alayhi salatu wassalam disait, on le dit, Allah, on cherche protection près de toi contre une science ou d'une science qui nous est pas profitable. Il faut que ça nous soit profitable. Al-Muhajirun wal Ansar. Ils ont subi ce que n'avaient pas subi les nouveaux. Mais avec cela, ici, le prophète alayhi salatu wassalam les a favorisés par rapport à al-muhajirun wal-ansar et particulièrement par rapport à al-ansar lors du butin. Est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam était inéquitable ou pas? Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil-adl. Khlas, c'est Allah Azza wa Jal qui le dit. Il nous rappelle ici qu'on doit avoir ce qu'on appelle al-adl, l'équité. On doit être juste et on doit être équitable. D'accord? وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهِ. Allah le dit, même concernant les ennemis, d'accord? Et que la haine que vous portez envers un peuple ne vous pousse pas à être injuste. اِعْدِلُوا هَذَا هُوَ الْإِسْلَامُ وَنَفْتَخِرُ بِذَلِكَ اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهِ. Soyez équitable. Ceci est plus proche de quoi? La piété. Et craignez Allah Azza wa Jal. Même avec ton ennemi, tu dois rester équitable. La darara wa la dirar, na'am. Même si on nous porte préjudice à nous, on ne répond pas au mal par le mal. Nul préjudice à soi-même et nul préjudice à autrui. La darara wa la dirar, na'am. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a-t-il pas dit « I'dilu bayna awladikum » Soyez juste, équitable entre vos enfants. En bref, l'équité est demandée en islam. Mais ici, le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a fait le partage du butin, alors que d'un côté, on a eu les nouveaux qui ont embrassé l'islam, et ces nouveaux-là, ce sont eux qu'Allah a cités dans le Coran al-Karim. Ces nouveaux-là, ici, qui ont ici été trop sûrs d'eux. ces nouveaux-là qui ont été trop sûrs d'eux. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Ces nouveaux-là qui ont été trop sûrs d'eux. Et ici, ces nouveaux-là qui n'ont pas subi ce que le Muhajirun ou l'Ansar ont subi. Et ces nouveaux-là qui ont fait marche arrière. Ces nouveaux-là qui ont fait marche arrière. Barakallahu fik. Ces nouveaux-là qui ont fait marche arrière. Alors que le prophète, alayhi salatu wasalam, qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il disait? Il les appelait ou pas? Il les appelait jusqu'à ce qu'il appelait qui? Al-Ansar, Al-Muhajiroun. Et il y avait autour du prophète, alayhi salatu wasalam, des gens fermes. C'était qui? Al-Muhajiroun ou Al-Ansar. Et il y avait des gens de sa famille, il appelait Al-Ansar aussi. Donc on voit que ces nouveaux-là, ils ont pris la fuite. Ils étaient nouveaux dans l'islam. Ils n'ont pas été éprouvés comme ont été éprouvés Al-Muhajiroun ou Al-Ansar. Et on sait que parmi Al-Hikam, les sagesses des épreuves, Al-Ibtila'at, ألف لاميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبل فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Parmi الحكم les sagesses de الابتلاءات les épreuves, c'est que quoi? Allah il distingue التمييز entre qui? Les véridiques et les menteurs. Mais ils n'ont pas subi tout ça pour avoir cette distinction, ce discernement. D'accord? Donc ici il y avait des gens qui étaient très faibles de foi, qui n'avaient pas vraiment de grandes convictions. Mais avec cela, comment le prophète alayhi salatu wasalam a réagi? On avait parlé du butin. Le butin, il y avait quoi dans ce butin? Al-Ghanaim, dans tout ce qui concerne le butin, il y avait 24 000 chameaux. 24 000 chameaux. Alhamdulillah, yani, le résultat, c'est qu'ils ont gagné la guerre. Par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète alayhi salatu wasalam, on avait dit, il avait fait du'a auprès d'Allah azza wa jalla. Ça nous a rappelé que on ne doit jamais délaisser les invocations. Ud'uni astajib lakum kama qala subhanahu wa ta'ala. Invoquez-moi et je vous accepterai, ou j'invoquerai ici vos invocations, ou j'accepterai vos invocations plutôt. Et ici, le prophète a invoqué Allah azza wa jalla, il a lancé des pierres vers eux, et ici, il n'y a pas une personne d'entre eux qui n'a pas été touchée, ou que ses yeux n'ont pas été touchés par la terre. Ala kulli hal, Allah azza wa jalla a descendu son secours à travers aussi al-mala'ika, les anges, comme Allah l'a cité dans le Coran al-Karim. Et on prendra bi'idnillahi azza wa jal à la fin de ce cours al-idat wal-ibar, ici les exhortations, les morales, al-ibar ici de cette histoire bi'idnillahi azza wa jal, ou plutôt de cette ghazwa. Ala kulli hal, il y avait 24 000 chameaux, 40 000 ovins. Donc imaginez-vous, 24 000 chameaux, ils ont gagné la guerre, 24 000 chameaux, 40 000 ovins, on avait dit à peu près 4 000 onces d'argent et 6 000 captifs, tout ça. Prophète alayhi salatu wasalam, il se doit de faire le partage. On avait dit de façon, bien sûr, équitable. Rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. Première des choses qu'a fait le prophète alayhi salatu wasalam, c'est quoi? C'est, il a attendu 10 jours. Il s'est dit, on va laisser un laps de temps. Si, yani, ils se repentent auprès d'Allah azza wa jal, tawbatan nasuha, alhamdulillah, on leur rend ici le butin. Si ils ne reviennent pas au bout de 10 jours, khlas, on partage, at-taqsim, ici on partage le butin. 10 jours sont passés, ils ne se sont pas repentis auprès d'Allah Azza wa Jal. Regardez l'adl, l'équité du prophète alayhi salatu wasalam. Est-ce que le prophète alayhi salam c'était une personne qui voulait tuer, ici prendre le butin, voler de l'argent? Ah ben, regardez, malgré qu'il a gagné la bataille, ici on attend 10 jours, on leur laisse, peut-être ils vont se repentir, on leur rend les captifs, on leur rend, yani, tout ce qui leur appartenait à la base. 10 jours, ils ne sont pas venus réclamer leur butin. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà que le prophète alayhi salatu wasalam, il a commencé à distribuer le butin, les chameaux, l'argent, les captifs, à tout le monde, alhamdoulillah, et particulièrement aux gens qui manquaient beaucoup de comportement, c'est-à-dire les nouveaux en islam. Et ils venaient, et ils se précipitaient parmi eux, al-A'rab, les bédouins, on ne dit pas al-A'rab, les arabes, al-A'rab, les bédouins, qui manquaient beaucoup de comportement, et ils venaient jusqu'à ce que certains ont arraché le manteau du prophète, alayhi salatu wasalam. Il y avait foule autour du prophète, alayhi salatu wasalam, et il y avait qui? Al-Ru'asa. Les têtes, ici de qui? Des anciens kuffars. Il y avait Abu Sufyan. Abu Sufyan est venu et il a dit, donne-moi ya Rasulallah, donne-moi. Et ici le prophète alayhi salam lui a donné des chameaux, etc., etc. Une centaine de chameaux. Il a dit, pour mon fils, prends pour ton fils. Et d'autres sont venus, moi aussi ya Rasulallah. Et c'était la plupart, c'était que les nouveaux. Les nouveaux qui ont été la cause de quoi? La cause de la première déroute des musulmans. La première défaite, si on veut, des musulmans lors de cette bataille. Mais bien sûr, ils ont gagné cette bataille, bihamdillahi azza wa jal. Walakin, ici, c'était eux la cause. C'est les nouveaux. Amma derrière, il y avait qui? Al-Muhajirun wal-Ansar. Qui ont sacrifié pour le prophète. Qui leur épée a été remplie de sang pour l'amour du prophète, alayhi salatu wasalam. Et bien sûr, avant tout, fi sabilillahi azza wa jal. Qui ont tout donné pour l'amour du prophète, alayhi salatu wasalam. Et avant tout, pour l'amour d'Allah azza wa jal. Ils ont vécu persécution sur persécution. Année de misère et de misère. Année de persécution, emprisonnement, bataille sur bataille. Et ils étaient les anciens, et ils étaient proches du prophète. Et ils ont fait Al-Bay'a plusieurs reprises. Voilà qu'ici, voilà que le prophète, alayhi salatu wassalam, ceux qui ont été la cause de la déroute, il vient et il leur donne, il leur donne, il leur donne, il leur donne jusqu'à ce qu'il est rapporté. Et le hadith, il est dans le Bukhari. Les bédouins le harcelèrent, le prophète, alayhi salam, en disant, oh Mohammed, oh messager d'Allah, donne-nous notre part du butin. Ils se bousculèrent si bien qu'en se repliant sous un arbre, le prophète, il est parti sous un arbre. Ici, son manteau fut accroché, retiré par une branche. Il cria aux gens, rendez-moi mon manteau, alayhi salatu wassalam. Il dit, rendez-moi mon manteau, calmez-vous, imaginez-vous la scène. Calmez-vous, rendez-moi mon manteau. Et il dit, alayhi salatu wassalam, par celui qui détient mon âme, si j'avais autant de chameaux qu'il y a d'arbres à Tihama, je vous les partagerai et jamais vous me trouverez avare, lâche ou menteur. Khalas, il y en aura pour tout le monde. Et ce que je peux donner, je le donnerai. Et il dit, alayhi salatu wassalam, puis il prit un poil de chameau entre ses doigts, alayhi salatu wassalam, en disant, par Allah, de votre butin, comme de ce poil, je n'ai droit qu'au cinquième, et ce cinquième, je vous le cède. Prenez tout. Khalas. Prenez tout. Ici, parlons peu, parlons sérieux. Imaginez-vous. Vous avez des gens avec vous, d'accord, qui vous ont soutenu pendant des années. Et vous ont aidé pendant des années. Et ils ont sacrifié pendant des années. Il y a des nouveaux qui viennent avec vous. Ici, ils sont nouveaux. Et ils ont été la cause de la première mini-défaite, si on veut, lors de cette bataille. De la première partie de cette bataille. Et ici, ils se comportent avec un comportement, dans le musta'an. À la kulli hal, ils étaient nouveaux. Radiyallahu anhum wa ardahum. Tous font partie des compagnons. Ici, il y a le partage du butin. Toi, ya Abdullah. Comment tu aurais partagé le butin? Anas. Masha'Allah. Anas, je vais le voir direct. Anas. Allez. Allahu alam. Bon allez, avec les textes, j'ai cité des textes au début, c'était pas pour décorer parce que j'avais rien à dire et parce que je voulais sortir des versets parce que je me suis dit il faut que je bouche les trous. J'ai cité des versets, des hadiths. Khalas, il y a le muhajiroun, il y a l'ansar et nouveau. Donc il y a tout ça, 24 000, mashallah, t'kerim, t'as 24 000, tu fais comment? À qui? Al muhajiroun ou l'ansar? Khalas, muhajiroun ou l'ansar? À qui? Man nuqaddim fi hadhihi al-hal? Al muhajiroun ou l'ansar? Khalas, tu connais la réponse? Khalas. Tu connais la réponse ou pas? Tu as lu? Tu as lu la biographie du prophète A.S. Tu sais comment il a fait le partage au prophète ou pas? Khalas. Pourquoi tu dis oui, je vais donner la bonne réponse? Par rapport où? Au texte qu'on a devancé, naam? Tout le monde pareil. Certains, ils ont dit le muhajiroun ou l'ansar. Toi, tu dis, mashallah, tout le monde pareil. Mais eux, ils disent muhajiroun ou l'ansar. C'est un peu logique. C'est logique. On est clair. Donc, Masha'Allah, Allah Iberk. La logique, c'est quoi? La logique, c'est de donner à qui? À tout le monde, ou bien quelqu'un va dire Al-Muhajiroun ou Al-Ansar. Plus, quelqu'un va dire, c'est plus logique de donner au Al-Muhajiroun ou Al-Ansar. Est-ce que l'islam, c'est la logique? Na'am. D'accord? Ali, radiyallahu ta'ala anhu arda, il a dit quoi? Law kana ad-din bi ra'yi, si la religion était fondée sur la logique, si on veut, le raisonnement, on aurait fait al-mas'h, l'essuie, au-dessus ou au-dessous? Au-dessous. Mais le prophète, mais qad ra'aytu rasulullah, j'ai vu le prophète Hassan faire le mas'h au-dessus. D'accord. Mais on a dit que l'islam, c'est la logique. Mais la bonne logique qui découle d'une bonne compréhension. Parce que la bonne logique veut que le mas'h ne se fait pas en dessous, mais au-dessus. Car ça, c'est une purification plus spirituelle qu'une purification pour enlever les saletés. Et si on fait en dessous, et si quelqu'un marche dehors avec Al-Khufayn, il va salir ses mains plutôt qu'autre chose. Et c'est pas le but, clair. Donc ici, c'est logique. Maintenant, on a dit c'est logique ici, le fait de donner Al-Muhajiroun ou Al-Ansar. D'accord? Mais le prophète, il n'a pas donné Al-Muhajiroun ou Al-Ansar. Il les a laissés, Al-Muhajiroun ou Al-Ansar, et particulièrement Al-Ansar. Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'ils n'ont rien eu. Rien eu. Imaginez-vous, l'Ansar qui ont sacrifié pendant des années, ils s'arrêtent, ils voient là. Alhamdoulilah, le gros butin, il voit, le prophète, il donne à tout le monde, il reste derrière. Imaginez-vous la scène. Ils ont eu mal. Ils ont même rappelé à certains compagnons pour que l'information parvienne au prophète Al-Sam. Comment ça? Nous, on a tout sacrifié, et le prophète Al-Sam, il leur donne tout à eux. Regardez le comportement qu'ils ont eu lors de cette bataille. Ghazwatu Hunayn, et nous, ils nous laissent. Mais nous, nous avons dit que quoi? Al-Adl, c'est demandé dans toute chose. Allah, il a rappelé l'équité. Allah Azza wa Jalla a parlé de l'équité. Le prophète lui-même, il a dit l'équité même entre les enfants. T'offres un cadeau à ton fils et tu laisses ton autre fils. Est-ce que ça fait partie du bon comportement en islam? Abadan, tu risques de léser un. Al-Ad, l'équité envers tout le monde, même envers l'ennemi. Ici, tu n'as pas le droit d'être injuste envers lui, mais équitable. Tu restes équitable, et ça fait partie des bonnes moralités du musulman, al-mu'min, le croyant, walhamdulillah. Mais le prophète, alayhi salatu wasallam, il a fait devancer qui? Il a fait devancer ces nouveaux-là. Mais ici, la bonne logique veut que quoi? La logique d'une mauvaise compréhension veut que ici on fasse devancer al-muhajirun wal-ansar. Mais Ali ibn Abi Talib, quand il a parlé de la logique dans le hadith, il a dit quoi? Walakin qad ra'aytu, mais j'ai vu qui? Le prophète alayhi salatu wasalam faire ceci. Khalas. Donc la réponse concernant qu'est-ce qui est la bonne logique de ce qui n'est pas la bonne logique, elle vient de la part d'Allah et de son messager alayhi salatu wasalam. Ali il a dit, mais j'ai vu le prophète alayhi salatu wasalam faire l'essuie au-dessus de l'khouf, d'accord? Qu'en dessous. Donc là, on s'arrête là. Sami'na wa ata'na. Mais si le prophète l'a fait, c'est que c'est une bonne logique. Donc nous, on adapte la même chose. Irhamukallah. Ici, on aurait tous dit, oui, khla, soit de façon équitable, ou soit on aurait donné ici al-muhajirun wal-ansar. Walakin, le prophète alayhi salam, il a fait le contraire. Donc, sami'na wa ata'na. On a entendu, on a obéi. Mais maintenant, on va voir pourquoi le prophète alayhi salatu wasalam, il a fait devancer ici, les nouveaux que al-muhajirun wal-ansar. On va voir pourquoi. Mais même al-muhajirun wal-ansar, ils ont eu mal. Ça leur a fait mal. Et toute personne va dire, mais bien sûr, la preuve que quoi, ya ibad Allah. Tu peux voir des situations. Tu peux voir des comportements venir de, pas les gens de l'ignorance, ahlul batil, les gens du faux. Lakin al-hukama, ahlul dhikr, les gens du rappel. Qui peut-être vont te paraître un peu durs quelquefois, ou des mauvais comportements, alors que lui, il sait ce qu'il fait. Mais toi, tu ne comprends pas. Pourquoi? Tout simplement parce que quelquefois, on manque de science. On manque de lucidité. On manque de basira, de clairvoyance. Et ahlu al-dhikr, les gens du rappel, al-ulama, ahlu al-ilm, al-hukama, les gens sages, ils l'ont. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas tout de suite ou se précipiter à juger des comportements ou des situations. Car il y a des gens qui voient très loin, tandis que toi, même si tu veux voir loin, tu n'arriveras pas à voir loin. Car il y a une barrière, et cette barrière qui t'empêche de voir loin, c'est quoi? Qillatul ilm, le manque de science. D'accord? Ici, le prophète, alayhi salatu wasalam, leur a expliqué, bien plus que cela, il leur a rappelé que quoi? Ils sont dans une mauvaise situation. Regardez, alayhi afdalus salati wa askat taslim. Non seulement vous pensiez que moi, j'étais égaré, ou alors, il y avait un manque de justice, ou d'équité, le prophète, avec quelques paroles, va leur rappeler que quoi? C'est eux qui ont eu des mauvais soupçons. Et eux, ils ont manquer de reconnaissance envers le messager d'Allah et alayhi salatu wassalam. Et c'est ce qui nous arrive beaucoup. On a tendance à voir que les choses de leur mauvais côté. Mais on ne voit pas les choses de leur bon côté. Pourquoi? Parce que je dis, on a un écran. Et cet écran-là, en général, c'est quoi? Qillatul ilm, le manque de science, de basira, de hikma, de sagesse, de lucidité et d'expérience aussi quelquefois. Le prophète alayhi salatu wassalam leur a expliqué leur comportement. Ce qui nous importe ici, et la morale qu'on peut prendre ici, c'est ce qui nous importe, c'est le résultat. C'est le résultat. Quand tu vois une personne qui a un certain comportement, qui peut-être peut te choquer, mais tu vois que le résultat est ce qui vise, ça va apporter un grand bien, sache que cette personne était sur le haq. Même si son comportement a peut-être t'a choqué. Lakin, si c'est une personne qui parle avec ignorance, etc., il se comporte mal avec des gens ou des façons un peu, entre guillemets, bizarres, ou que tu ne comprends pas, là d'accord, on est d'accord, pas de problème. Mais quand tu vois quelqu'un qui se comporte avec science, et avec expérience, avec, قال الله وقال الرسول بفهم سلف الأمة, avec comment le prophète a réagi, comment le prophète عليه الصلاة والسلام se comportait, et que le résultat est quelque chose de bien positif pour l'islam, sache que quoi, toi tu avais où tu t'étais égaré dans ton jugement, et que lui, alhamdoulilah, il voyait très loin. Et c'est pour ça, Hudhayfa, radiyallahu ta'ala anhu arda, il disait, ahlul ilm, les gens de science, voient al-fitan, les troubles. Ils les remarquent, ils les aperçoivent, ils les reconnaissent avant qu'ils arrivent. Tandis que les ignorants, ils s'en rendent compte qu'après qu'ils soient passés. Ah, c'était une fitna. Mais l'alim, le savant, ou bien celui qui a de la science, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a permis de voir avec son cœur, innaha la ta'ma al-qulub walakin ta'ma innaha la ta'ma al-absar walakin ta'ma al-qulub allati fi as-sudur, ce ne sont pas les regards qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines, ayyuhal ahbab, ceux à qui Allah azza wa jalla a permis de voir avec leur cœur, alhamdulillah, ils l'ont vu le fitan de loin et avant que toi tu ne t'en rendes compte. Le prophète alayhi salatu wa salam leur a donné des explications. Et il dit, et ici je vous rappelle ici les comportements avant de donner l'explication du prophète alayhi salam de certains compagnons. Regardez ce qu'ils ont dit. Rapporté par l'imam muslim. Ici Safwan ibn Umayya radiyallahu ta'ala anhu wa arda, il dit, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam, qui m'était le plus haïssable. Regardez les compagnons, comment ils décrivent ici cette situation. Le prophète alayhi salam qui m'était le plus haïssable. Je le détestais. C'est un compagnon. Il disait, je le détestais. Et il disait, continua celui-ci, le prophète alayhi salatu wa salam, continua à m'offrir du butin le jour de la bataille de Hunayn jusqu'à ce que rien au monde ne me fût plus cher que lui alayhi salatu wa salam. Regardez, je le détestais. Le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit, khlas. D'un côté, j'ai quoi? Des gens qui m'ont prouvé maintes fois, ils sont avec moi, ils m'aiment. Ça khalas. C'est bon, il n'y a plus de doute sur cela. D'un côté, je vois des gens par rapport à leur comportement, ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin, ici, de plus de conviction. Je dois gagner leur cœur. Khalas. La preuve que le prophète Aïssam avait choisi bien, yani ce qu'il fallait faire. La preuve que l'objectif du prophète Aïssam a été atteint. La preuve que c'était fondé sur la vérité, ce qu'il a fait, même si son comportement, il étonne. La preuve que tout le monde disait clairement, logiquement, bien sûr, on donne même plus que cela. On donne plus al-muhajirun wal-ansar. Le résultat, c'est que le prophète, il a donné moins. Non, il n'a rien donné à l'ansar. C'est étonnant. Walakin, quand on voit les explications du prophète, on dit, ah, khlas, je comprends. Walakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. C'est ça, étudier la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est de pouvoir en tirer le maximum de profit pour pouvoir les adapter dans la vie de tous les jours. Et toi, quand tu te retrouves dans des situations qui se ressemblent, certes ce ne sont pas les mêmes, mais qui se ressemblent, toi tu vois d'après la bonne compréhension religieuse comment réagir. Il y a le plus important et l'important. On fait toujours devancer le plus important sur l'important, bien que tout en islam est important. Khlas. D'après Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa arda, et le hadith il est rapporté par al-Bukhari wa Muslim fi sahihayn. Regardez le prophète alayhi salatu wa salam, la patience. Et il savait qu'ici, il devait multiplier de patience et il était dans une étape, gagne les cœurs. Ah, il fallait gagner les cœurs. C'est des gens, tu les as besoin à côté de toi. Le prophète, il savait qu'il avait besoin de ces gens-là. Mais ici, ils ont un manque de comportement. Ils ont un manque d'expérience. Ils n'ont pas encore vraiment prouvé qu'ils étaient fermes dans leur religion. Là, le prophète, il sait. Il sait que ce manque, maintenant, au jour d'aujourd'hui, regardez le prophète, là, comment il avait cette clairvoyance. Là, il faut que je gagne leur cœur. Il savait qu'il y avait des gens qui étaient un peu encore... ils étaient tous musulmans, alhamdoulilah. Mais ils n'étaient pas encore fermes dans leurs convictions. Il faut que je gagne leur cœur. On a eu la preuve que ça a marché, rapporté par Muslim, on l'a cité. Regardez le prophète, la patience qu'il a eue. Dans Sahihain, d'après Anas ibn Malik, j'étais avec le prophète, alayhi salatu wassalam, quand un bédouin le tira si énergiquement de son manteau que j'ai vu son épaule, ou sur son épaule, la trace de la bordure du manteau provoquée par la violence de cette action. Alayhi salatu wassalam. Al-ghadab naw'an, kama naqulu. On a toujours répété que la colère était de deux sortes. D'accord, il y avait la colère qui était interdite, ou alors le moins qu'on puisse dire détestable, et la colère louable. D'accord, la colère louable, c'est quand les limites d'Allah Azza wa Jal sont dépassées. Là, khlas, tu t'énerves, mais où tu te mets en colère comment? En criant, en frappant? Non. Comme le prophète s'est mis en colère. Le prophète se mettait en colère? Na'am. Le prophète alayhi salam se mettait en colère, comme on l'a dit plusieurs fois, son visage devenait rouge, etc. Mais quand les limites d'Allah étaient dépassées, afwan. Et ici, il y a la colère qui est, le moins qu'on puisse dire, détestable. C'est ce que le prophète a cité. D'accord? La tardab wa la kal jannah, ne t'énerve pas. Et ici, où ne te mets pas en colère, tu auras le paradis. Ici, les types de colère qui concernent les choses mondaines de la vie d'ici-bas. Le prophète alayhi salatu wasalam, comme elle dit, Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha, il ne s'est jamais mis en colère pour dunya. Walakin, que quand? إذا تجاوز الحد, quand les limites ici étaient dépassées. Alayhi salatu wassalam. Ad-dalil wa ala dhalik, rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim. Un bédouin, selon Anas, est venu, il a arraché le prophète alayhi salatu wassalam, le manteau du prophète alayhi salatu wassalam, son vêtement, jusqu'à ce qu'il y avait des traces sur son épaule. Alayhi salatu wassalam. Imaginez-vous. Est-ce qu'il a dit comme ça, khlas, il a claqué des doigts, il a dit débarrassez-moi de cette personne-là? On va dire le moins qu'on puisse dire, on va dire non, khlas, il a patienté. Si je vous dis que le prophète a souri. Alayhi salatu wassalam. Regardez, il savait que c'était des des ignorants. Est-ce qu'un bédouin est rentré dans la mosquée et il a uriné? On a vu ça dans le fiqh, dans la jurisprudence, bit-tafsil, dans les détails, et on a pris al-fawaid, tout ce qui était bénéfique pour nous pour avoir une bonne compréhension saine de ce hadith-là, à travers le hadith dans la jurisprudence. Est-ce qu'il est rentré, il a uriné le bédouin? Na'am. Est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a laissé uriner tout simplement ou pas? Il l'a laissé uriner tout simplement? Il l'a laissé uriner, il l'a laissé finir. Il a dit, laissez-le finir. Pourquoi? Parce que couper, ici, empêcher qu'il termine d'uriner, est-ce que ça va lui porter préjudice? Naam. Est-ce qu'on répond au mal par le mal? Non. Il a fait un mal, on n'arrête pas un mal avec un autre mal. Clair. Le prophète A.S. a dit, le mal, il fait khlas, on va pas faire un autre mal. On va pas utiliser quelque chose d'encore mal. D'accord? Pour pouvoir arrêter son mal. Non, khlas, laisse-le finir. Il a fini, mettez un peu d'eau et khlas. Après, le prophète A.S. il lui a expliqué. Il lui a expliqué que le masajid, on lit le Coran et le Karim dans les mosquées, ce n'est pas fait pour ça, c'est fait pour le dhikr, c'est fait pour le salat, c'est fait pour khirat le Coran, etc., etc. Alayhi afdalu salat wa askat taslim. Mais ce bédouin, c'était un ignorant, clair. Le prophète, il sait que celui-là, c'est un bédouin, il est ignorant. Il vient, il lui arrache son manteau et il dit, donne-moi de ce que Allah t'a donné. Donne-moi de ce que Allah Azza wa Jal t'a donné. Demande qu'on me donne des biens que tu as. Le prophète, alayhi salat wa sallam, le regarda. Il se met à rire, alayhi salatu wassalam, et demanda qu'on lui en donnât. Ce bédouin, par exemple, n'était sensible ni aux paroles subtiles, ni à l'amabilité, comme ils disent al-ulama. Donc, ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, ici, quand il a vu ce comportement, il s'est mis à rire. Et dans une version, il dit, le bédouin, il a dit quoi? Donne-moi encore! Encore! Et il serre fort le vêtement du prophète. Le prophète, alayhi salatu wassalam, rajoutez-lui, et il sourit. Le prophète, il savait, il dit quoi, khlas? Pourquoi? Ça, c'est une confirmation que ce qu'il fait, c'est bien. Khlas. Ici, il gagne les cœurs, le prophète alayhi salatu wassalam. Et quelquefois, gagner les cœurs avec de l'argent, ça marche. Ad-dalil, la preuve. Quel verset coranique? Khlas. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des 8 catégories à qui on doit donner zakat. Naam. Et ici, dalil ici, ce qu'on a cité déjà, le hadith rapporté par Muslim. Où le compagnon, il a dit quoi? Je détestais le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'a cessé de me donner du butin jusqu'à ce que ça soit la personne que j'ai aimé le plus. Alayhi afdalu salati wa askat taslim. Et dans les catégories à qui on donne zakat, il y a ceux à qui on veut gagner les cœurs. D'accord? Quand tu veux gagner le cœur d'une personne, et tu sais qu'en donnant zakat, ça va être une cause que tu gagnes son cœur, qu'il soit attiré vers l'islam, tu le donnes. La preuve que l'argent, ça marche. Ça marche. Le prophète, alayhi salam, savait que ça allait marcher. Il leur a donné. Khlas, il leur a donné de l'argent pour gagner les cœurs et ça a marché. Contrairement aux compagnons, radiyallahu ta'ala anhum wardahum, si on parle de quel muhajirun wal ansar, on savait très bien ici que, alhamdulillah, ils n'avaient pas besoin ici d'argent pour gagner leur cœur. Parce que l'étape, c'était gagner leur cœur. Ils n'avaient pas besoin d'argent pour gagner leur cœur. Et là, par contre, les autres, on avait besoin d'argent. Donc, le prophète A.S.M., il a favorisé ces personnes-là parce que, ici, il fallait les favoriser. Jusqu'à ce qu'ils ont dit, tellement qu'ils ont été touchés, ils ont dit, « Inna Muhammadan qad yu'ti » عطاء من لا يخشى الفقر محمد عليه الصلاة والسلام أو إن محمد سيرت محمد عليه الصلاة والسلام donne ici donne tellement ici avec une traduction approximative qu'on croirait que c'est une personne qui ne craint pas du tout la pauvreté. Et c'était ça le comportement du prophète. Naam. كان لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام. Il ne craignait jamais la pauvreté. Et c'est ça, al-mu'min al-haqiqi, ya ibadallah, c'est quand il donne tellement facilement, et il donne tellement que tu croirais, et que même lui, il sait que c'est une personne qui ne craint pas la pauvreté. Et c'est ça, at-tawakkul ala Allah azza wa jalla, la confiance en Allah azza wa jalla. Regardez, dit le prophète, alayhi salatu wassalam, il donne tellement qu'on croirait que c'est une personne qui quoi? Qui ne craint pas du tout la pauvreté. Certes, le prophète ne craignait pas la pauvreté, alayhi salatu wassalam. Sayyidul mutawakkirin, fahuwa al-habib al-nabi, alayhi salatu wassalam. Le maître, c'est qui, alayhi salatu wassalam? Le maître, tu ne trouveras personne qui place sa confiance en Allah azza wa jal mieux et plus que le prophète, alayhi salatu wassalam, ne l'a fait. Alayhi salatu wassalam. Donc ici, il donnait, ils étaient tous étonnés, il gagnait les cœurs, et il a certes gagné les cœurs. Rapporté par Ibn Hisham, et rapporté par l'imam Ahmed, et ici, authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il y a un long hadith qui nous explique le comportement qu'ont eu, les réactions qu'ont eu ici Al-Muhajirun wal-Ansar, et particulièrement Al-Ansar. Je vous le cite, et on s'arrête au fur et à mesure, bi-idnillah azza wa jal, d'après Abu Sa'id Al-Khudri. Quand le jour de Hunayn, le prophète alayhi salatu wassalam distribua le butin à ceux dont les cœurs étaient à gagner parmi les Quraishites et les autres Arabes, Sans rien donner au Ansar, ils eurent tellement de peine que quelqu'un dit par Allah Azza wa Jal. Mais ils ont eu de la peine. Est-ce qu'ils ont critiqué le prophète alayhi salatu wa salam? Regardez ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, Wallahi, par Allah, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a retrouvé son peuple. Regardez. Sous Adhan, la mauvaise opinion. Mais c'était pas pour critiquer le prophète, pour dire il était inéquitable, il était injuste. Ils ont eu mal parce qu'ils aimaient tellement le prophète. Regardez la parole, regardez, analysez les paroles. Ça c'est une preuve, wallahi l'azim, qu'ils ont divorcé avec Dunia plus que trois fois. Ils voulaient pas cette vie d'ici. Bon, regardez, ils ont dit ce qui leur a fait mal. Ils ont dit, le prophète alayhi salam, il a retrouvé son peuple. Donc il est favorite parce que ça, il est content, il est tellement content qu'il a retrouvé son peuple. C'est une chose, mais comme s'il disait, ça y est, maintenant il va nous oublier. Mais ce n'est pas comme au jour d'aujourd'hui, certains qu'on voit des jaloux, wal'iyadu billah, tiens, un tel côtoie plus un tel, donc moi je suis jaloux, donc moi je lui parle plus, le type il a 40 ans, on dirait il a 12 ans. Ça c'est pas cette jalousie qu'on parle, wal'iyadu billah, d'enfants de 12 ans ou de 13 ans, je suis gentil quand je dis 12-13 ans. Ici ça c'était de la jalousie, quoi la jalousie? C'était des gens qui étaient prêts, ils ont prouvé qu'ils étaient prêts à mourir pour le prophète, alayhi salatu wa salam, ils ont eu mal, ils ont dit non, nous le prophète on l'aime. On veut garder son amour, on veut le garder proche de nous. Ils ont eu mal, ils ont dit, est-ce que le prophète, parce qu'ils savaient que c'était, il faisait partie du peuple du prophète, les Quraysh et autres. Ils ont dit, est-ce que le prophète, il a retrouvé son peuple, ça y est, maintenant il va nous oublier. Regardez les paroles ici, les paroles qui montrent comme quoi, c'était des gens qui aimaient vraiment le prophète, mais ils n'ont pas donné de critique. Et avec cela, regardez le prophète, comment il leur a répondu. Il n'a pas été obligé de leur faire, ou il n'a pas dû leur faire des exhortations de 4 heures pour leur expliquer, khlas. Écoutez. J'ai fait ça, il y a une raison, barakallahu fikoum, au bout de 10 heures, au bout de 2 jours, au bout de 2 semaines. Ouais, mais on n'a toujours pas compris. Ya ibad Allah, j'ai fait ça pour ça, au bout de 6 mois. Ouais, mais on n'a toujours pas compris. Le prophète, alayhi salam, 2, 3, 4 paroles et vous allez voir le comportement des compagnons. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Comme ça, ils étaient les compagnons. On a entendu, on a obéi. Khalas. Et ils comprenaient rapidement. Je continue. Ici, il disait par Allah, le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam a retrouvé son peuple. Alors Sa'd ibn Ubad radiyallahu anhu arda s'en alla voir le prophète alayhi salatu wa sallam et lui dit, oh messager d'Allah, ce clan des Ansar t'en veut. Ce clan des Ansar t'en veut. Le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam lui dit, pourquoi donc? Et il dit, Sa'd répliqua, à cause de ta distribution du butin à ton peuple et à tous les Arabes excepté eux, le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam demanda, et toi Sa'd, quelle est ton attitude? Sa'd répliqua, je fais partie de mon peuple. Alors le prophète alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, rassemble-les tous, rassemble tout ton peuple, et ici appelle-les. Quand tous les Ansar furent réunis, le prophète alayhi salatu wa salam vint et leur tint ses propos, et dans une version il est rapporté qu'il les a tous appelés réunis sous une tente. Et il dit, ya ma'ashar al-Ansar, ô assemblée, ya ma'ashar al-Ansar, ô assemblée des Ansar. Il leur a fait une exhortation. Regardez le prophète alayhi salatu wa salam, ses paroles lourdes, en exhortation et lourde en bénéfice, le prophète alayhi salatu wa sallam, il leur a dit, ya ma'ashar al-ansar, ne vous ai-je pas trouvé égaré, puis Allah vous a guidé. Est-ce qu'il s'est glorifié là, le prophète alayhi salatu wa sallam? S'est glorifié ou pas? Pourquoi il s'est pas glorifié? Khalas. Walakin, ici il montre que c'est lui la cause. Qu'est-ce que c'est une forme de glorification? Si toi tu dis à une personne, est-ce que ici c'est toi qui guide les gens ou c'est toi qui égare? C'est qui guide? C'est moi. C'est Allah Azza wa Jal. Fayudillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha. Allah Azza wa Jal, il égare qui veut, il guide qui il veut. Il égare avec justice, il guide avec, par sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Claire. Lakin nous, est-ce qu'on peut guider les gens? On peut être la cause de la guider. On avait dit, ya hidaya, al-hidaya nawa'an, hidaya tout tawfiq wa hidaya tout dalala. D'accord, hidaya tout tawfiq, hada khas lillahi Azza wa Jal. Ça c'est particulier, Allah subhanahu wa ta'ala, il guide et il égare. Walakin hidaya tout l'irshad, hidaya tout dalala. C'est-à-dire, toi, tu montres la voie de la guider, et c'est Allah Azza wa Jal qui met les faits. Dans cette cause-là, c'est ce qu'on appelle hidayatud dalala. Toi, tu es la cause. Mais est-ce que moi, je peux dire devant les gens, moi, j'ai été la cause que tu sois guidé dans l'islam? Bien que ça soit vrai. C'est toi qui lui as parlé, il dit, khlas, tu lui as parlé pendant une demi-heure, il a dit, subhanallah. Il a dit, oh Allah, c'est vrai, ashhadu an la ilaha illallah. Est-ce que c'est toi la guidée de cette personne-là? Si la personne, tu lui parles une demi-heure, il dit, ashhadu an la ilaha illallah. C'est toi la cause ou pas? Bien sûr, c'est toi. Donc si toi, est-ce que tu as le droit de dire, si tu dis devant les gens comme ça, ou un jour tu lui dis à cette personne, c'est moi la cause de ta guidée. Est-ce que ça, c'est se glorifier ou pas? Donc le prophète Al-Sam, il s'est glorifié, je répète. Ô assemblée des Ansar, ne vous ai-je pas trouvé égaré, puis Allah vous a guidé. Donc, il y a des fois, il y a ibad Allah, c'est pas pour se glorifier. Il y a des fois, tu es obligé de rappeler le bienfait que tu as apporté par la permission d'Allah Azza wa Jalla à certaines personnes pour leur éviter d'être ingrats et de ne pas tomber dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam alladhi hassanahu al-albani rahimahullahu ta'ala man lam yashkur in-nas lam yashkur illah. Celui qui n'a pas été reconnaissant envers les gens, il n'a pas été reconnaissant envers Allah, comme قال العلماء, parce que cette personne qui t'a apporté du bien, c'est Allah Azza wa Jalla qui te l'a apporté ici ou qui te l'a mis à disposition, et si tu n'es pas reconnaissant envers cette personne qui t'a apporté le bien, tu n'es pas reconnaissant envers celui qui t'a apporté cette personne pour t'apporter le bien. Donc pour éviter qu'il tombe dans cet égarement, c'est-à-dire ne pas être reconnaissant envers les gens, ici sans te glorifier, et tu sais très bien que tu ne veux pas le faire, au fond de toi tu ne veux pas, mais tu dis, et tu es sincère envers toi, c'est que pour lui rappeler, attention, sois reconnaissant. Et pas devant les gens, mais tu lui dis en tête à tête, ya Abdallah, tu te rappelles? Ici tu me fais du mal, tu me critiques, tu es en train de me calomnier, mais tu te rappelles que le jour de ta conversion, c'est moi je suis qu'une petite cause, et je ne sais pas si Allah a accepté, mais c'est moi qui t'a parlé, tu m'as dit, na'am, je reconnais que tu m'as convaincu, j'atteste qu'il n'y a de divinité que Dieu, et qu'Allah Azza wa Jal est unique, et que Mohammed est son envoyé. Est-ce qu'ici il y a un mal ou il y a un bien? Il y a un bien, na'am. Donc ça dépend de quel cas. En général, non, tais-toi. Ça c'est le cadre, le principe de base. Tais-toi, tu vas pas te glorifier créer sur les toits. Moi, wal'iyadu billah. Lakin, il y a des fois pour des gens, il faut le faire. Ça, c'est la bonne compréhension de l'islam. Et ça, c'est ce qu'on appelle al-hikmah, wal-basira, la clairvoyance. Allahumma arzuqna al-hikmah. Ici, le prophète A.S.M. leur a rappelé. Est-ce que moi, ici, quand je suis venu, est-ce qu'Allah Azza wa Jalla vous avait guidé, c'est-à-dire par ma cause? Regardez le prophète A.S.M., est-ce qu'il leur rappelle? Il rappelle à ces gens-là que le prophète alayhi salam, il a été bénéfique pour eux et il leur a apporté la meilleure des choses, meilleure que des chameaux, c'est-à-dire inna ad-dina 'inda Allah al-islam. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan lan yuqbala minhu. Celui qui accepte agréer une religion autre que l'islam, ça ne sera pas accepté de lui. Allah Azza wa Jalla leur a permis de croire en Allah Azza wa Jalla et le prophète alayhi salatu wassalam, le prophète leur a apporté la meilleure des choses qui ne s'achète pas avec de l'argent ou des chameaux. Mais c'est Allah Azza wa Jal qui te guide. Et cette chose-là, cet islam, tu ne peux pas l'acheter, ya Abdallah. Walakin, c'est Allah Azza wa Jal qui te donne cette religion. Et il te guide avec miséricorde ou par sa miséricorde. Et il t'égare avec justice, car si tu es égaré, tu as mérité d'être égaré, ya Abdallah. Le prophète, première chose, il leur rappelle, je vous ai donné mieux que ça. Par la permission d'Allah, j'ai été la cause de votre guider. Regardez le prophète Azza wa Jal, wa khud hadi al-ibar. Ô assemblée des Ansar, ya mahshar al-Ansar, je ne vous ai pas trouvé égaré, puis Allah Azza wa Jal vous a guidé. N'étiez-vous pas indigent, puis Allah vous a enrichi. N'étiez-vous pas ennemi, puis Allah subhanahu wa ta'ala allafa bayna qulubikum. Il a uni vos cœurs. Et tout ceci après qui? Après la venue de qui? De qui? Prophète alayhi sallam. Est-ce que c'est comme si le prophète alayhi sallam dit ici, ne suis-je pas venu? Et est-ce que je n'ai pas été la cause que vos cœurs se soient unis? Est-ce que je n'ai pas été la cause qu'Allah vous a enrichi? Est-ce que je n'ai pas été la cause qu'Allah vous a guéri? Ou vous a, bien sûr, guéri aussi, mais vous a guidé? C'est comme si le prophète disait ça, on est tous d'accord. Donc ici, est-ce que le prophète se glorifie? Non. Parce qu'il voit, le prophète alayhi sallam, qu'ici, il tombe un peu dans ce qu'on appelle l'ingratitude. Attention, pour des chameaux, vous avez oublié tout le bienfait que je vous ai fait. Pour des chameaux. Repartons au jour d'aujourd'hui. Ça, c'est à titre d'éducation. Ça, c'est un petit exercice. D'accord? Parce que ici, on prend la réalité des choses à l'waqi'a. C'est comme ça qu'on avance. Une personne au jour d'aujourd'hui, Abdallah, à qui tu vas enseigner la religion, tu vas lui apprendre à faire les ablutions, tu vas lui apprendre l'islam, le chemin de l'islam, tu vas tout lui apprendre dans la religion, c'est-à-dire tout ce qui concerne les bases, tu as été la cause. Et un an après ou deux ans après, il va se mettre à te calomnier, à te critiquer, à mettre en garde contre toi. Est-ce que ça c'est un manque de comportement? Est-ce que ça c'est une ingratitude? Naam, c'est une grosse ingratitude, wal'iyadu billah. Pourquoi? Parce que ce que cette personne t'a fait comme bien, il est incomparable avec ce que tu peux apprendre par la suite. Parce que lui, il t'a appris les bases. Sans ces bases-là, t'aurais pas pu arriver au stade où tu es arrivé. T'aurais pas pu trouver quelqu'un qui prend le relais dans ton apprentissage religieux. Donc la moindre des choses, sois reconnaissant envers cette personne. Et ne sois pas comme les gens qui sont pas reconnaissant, ni envers les gens, ni envers Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyadu billah. Claire. Prophète alayhi salatu wassalam, il continue. Et il dit, n'étiez-vous pas ennemis, puis Allah azza wa jalla a uni vos cœurs? Ils répondirent, si. Mais le messager d'Allah alayhi salatu wassalam voulait aussi qu'ils disent ce qu'il leur devait. Alors il demanda, et quoi? Vous ne répondez pas? Ah, khlas. Assumez, répondez maintenant. Vous me parlez de chameaux? Vous me parlez d'argent, de captifs? Regardez ici, qu'est-ce que je vous ai apporté par la permission d'Allah Azza wa Jalla. Répondez maintenant. Regardez, alayhi salam, l'éducation. C'est pas simplement je fais comprendre. Réponds maintenant. خلاص, toi tu dis, moi réponds maintenant. Regardez après le prophète عليه الصلاة والسلام. Ils voulaient aussi qu'ils disent ce qu'ils leur devaient. Alors le messager d'Allah leur a dit, quoi, vous ne répondez pas? Ils dirent, que dirons-nous au messager d'Allah? Que répondrons-nous, ya Rasulallah? Qu'est-ce qu'on va répondre à ça? Regardez, sami'na wa ata'na. Est-ce qu'il a parlé pendant 2 heures le prophète? Quelques lignes, combien? 4 lignes. Ça se résume en combien de temps? 20 secondes. Est-ce qu'ils ont dit, ouais, mais quand même, ya Rasulallah, quand même le concret. Ouais, 20 000 chameaux, on a sacrifié le sang dans nos épées, on, des années, au moins donne-nous un chameau, au moins la cuisse d'un chameau. Au moins, un petit peu d'argent, au moins quelque chose, rien. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on va répondre, ya Rasulallah? Regardez, ils ont reconnu ici le bienfait que le prophète Hassan leur a apporté, radiyallahu anhum wa ardahum. Et quoi, vous ne répondrez pas? Ils disent, que dirons-nous au messager d'Allah? Que répondrons-nous à Allah et à son messager toute notre gratitude? Ah, tout de suite. Sami'na wa ata'na. À Allah et à son messager toute notre gratitude. Ya Rasulallah, mais le prophète Hassan fut plus clair. Par Allah, si vous vouliez, vous diriez ce qui est vrai et que personne ne peut nier, vous diriez, tu es venu à nous banni et nous t'avons hébergé indigent et nous t'avons secouru effrayé et nous t'avons sécurisé trahi. Et nous t'avons soutenu, ils répondirent à Allah et à son messager toute reconnaissance. Alors il dit, vous avez été irrités, ô assemblée de Ansar, ya ma'ashar al-Ansar. Vous avez été irrités. Et le prophète, il apporte son explication après pour son comportement. Première des choses, vous oubliez le bienfait que je vous ai donné, tout de suite, khlas, vous avez tout oublié. Ça y est, vous avez compris. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. L'éducation. Tarbiyatu al-habib al-nabi alayhi salatu wassalam. Et il dit alayhi salatu wassalam, vous avez certes été irrités. Ou assemblée des Ansar, pour des biens du monde, d'une courte durée, que j'ai utilisé pour gagner les cœurs des gens qui viennent de se convertir à l'islam en même temps que je vous ai abandonné au seul lot de la religion dont Allah vous a honoré. Regardez en quelques mots. D'abord, il leur a fait comprendre que ça c'est dunya par rapport à l'islam, c'est rien. Maintenant, il revient le prophète. Maintenant, ils ont compris. Maintenant, même vous, ça va vous paraître ridicule. C'est vrai ou pas? Au début, on croyait que c'était gros comme. Maintenant, c'est le prophète, il a expliqué. Regardez tout ce que je vous ai apporté. Et regardez, maintenant, c'est quelques chamelles ou quelques chameaux. Et le prophète Hassan, il dit, maintenant, pour quelques, c'est ça qui vous a hérité. Quelques petites choses qui concernent la vie d'ici-bas. Alors que cette vie d'ici-bas, faniya, elle est vouée à disparaître, elle est vouée à éphémériter. Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Kama qala ar-Rahman fi kitabihi al-Aziz. Ensuite, ici, le prophète alayhi salatu wa salam dit, dites donc, n'agréeriez-vous pas que les gens ramènent à leur demeure des ovins et des camélidés, c'est-à-dire tout ce qu'il leur a donné par ami, ou qui concerne le butin, tandis que vous revenez chez vous avec le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, par celui qui détient la vie de Muhammad, alayhi salatu wassalam. Regardez l'éducation du prophète, subhanallah. Première des choses, il leur dit quoi? Voilà, je vous ai donné ça, des océans, maintenant vous me comparez avec un petit verre d'eau. Khalas, on a compris. Maintenant, vous, ça vous a irrité, le comportement que j'ai eu? Il leur dit pas pourquoi, tout de suite. Il dit pour, c'est les dunya qui vous a irrité. Khlas, déjà pour qu'ils se disent, subhanallah, pour leur donner un peu ce sentiment de honte, d'humilité envers le prophète, alayhi salatu wassalam. Ensuite, il leur dit, khlas, il leur explique. J'ai voulu gagner les cœurs, c'était pour ça. J'ai voulu gagner les cœurs. Khlas, il leur a expliqué. Ensuite, le prophète, alayhi salatu wassalam, est-ce qu'il les laisse dans cet état? Regardez l'éducation du prophète. Il leur rappelle son amour envers eux. Et alayhi salatu wassalam, et c'est pour ça que le fait d'aimer al-ansar, hada min al-iman, ça fait partie de la foi. Kama bayyana dhalika alayhi salatu wassalam fi akthar min hadith. Dans plus d'un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé que ce qui fait partie de l'iman, de la foi, ça fait partie de l'iman, c'est quoi? Hubbul ansar, subhanallah. Aimer al-ansar. Regardez le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il fait? Il leur remonte le moral avec quoi? En leur montrant, et ça c'est la preuve que c'était des gens qui n'ont pas été irrités pour dunya, simplement. Mais c'est parce que vraiment ils aimaient le prophète, alayhi salatu wassalam. Il y a une différence. Le jaloux, wallah il adim, le jaloux, dans le mauvais sens du terme, ici, et quand il va jalouser une personne, c'est pas parce que cette personne il l'aime, au contraire, c'est parce qu'il veut que le bien de cette personne disparaisse. C'est ça le hasad. Naam? Mais tandis que celui qui aime cette personne-là, ce n'est pas un jaloux. Donc ici, ils n'ont pas eu cette jalousie mauvaise. C'est parce qu'ils aimaient le prophète, alayhi salatu wassalam. D'accord? Donc est-ce qu'ils ont voulu que les biens du prophète, alayhi salatu wassalam, disparaissent? Non, mais ils ont réagi comme ça parce qu'ils aimaient trop le prophète, alayhi salatu wassalam. Contrairement aux jaloux, quand ils jalousent une personne, est-ce qu'ils aiment cette personne-là? Ils ne l'aiment pas. Donc vous voyez, ce n'est pas la même jalousie ici. Quand on parle de jalousie, on connaît le terme de la jalousie qu'on veut employer dans certaines situations pour certaines personnes. C'est pas leur cas à eux. Ils aimaient, la preuve. Le prophète leur a donné certaines paroles, simplement, il leur a pas donné des chameaux ou de l'argent, qui rappellent, ou alors qu'il leur rappelle, c'est-à-dire le prophète leur a rappelé, je vous aime, wallah, je vous aime plus que les autres. Khalas, Ils se sont tous apaisés. Regardez le prophète, qu'est-ce qu'il leur a dit, alayhi salatu wassalam. Il dit, par celui qui détient la vie de Mohammed, alayhi salatu wassalam, si tous les gens empruntent des sentiers différents, si tout le monde emprunte des sentiers différents de celui des Ansar, c'est celui-là même, c'est-à-dire le sentier de vous, votre sentier, le sentier que vous avez utilisé, ya ma'ashar al-Ansar, ô assemblée des Ansar, c'est celui-là même que j'emprunterai, et n'était-ce l'immigration, je me serais considéré comme un Ansarit. Ça aurait pas été l'immigration légère, wallah, je me serais considéré comme un parmi vous, un Ansarit. Ils ont entendu ça. Al-Ansar, qu'est-ce qu'ils ont fait? Seigneur, sois miséricordieux pour les Ansar, pour les fils des Ansar et pour les petits-fils des Ansar. Ils ont reçu l'invocation du prophète alayhi salatu wassalam pour eux, pour leurs enfants, pour leurs petits-fils, c'est-à-dire pour leur descendance. Alayhi salatu wassalam. Regardez comment il leur a remonté leur moral en disant, khlas, j'ai réagi comme ça. C'est pas parce que je les aime plus que vous. Parce que le prophète, il a analysé leur comportement. Je sais, c'est ça qui vous irrite. Mais c'est parce qu'ils ont plus besoin que vous. On doit gagner leur cœur. Vous, vous avez tout prouvé. Vous avez la religion. Vous avez l'amour du prophète. Mais wallah, et moi, je vous aime plus que les autres. Et si vous empruntez un chemin, je le prends. Même si tous les autres empruntent d'autres chemins. Et il fait dua. Allah fait miséricorde aux ansar. Wa abna il ansar. Et pour les enfants des ansar. Et les petits-enfants des ansar. Radiyallahu anhum jami'an. Ceci fit pleurer à chaudes larmes les ansar. Qui dirent, nous agréons Allah azza wa jal comme Seigneur. Et nous acceptons que Mohammed alayhi salatu wassalam nous suffise ou soit notre lot. Et le prophète alayhi salatu wassalam s'en alla et les gens partirent. Alayhi afdalu salati waskat taslim. Vous avez vu al-ibar, les exhortations. Ici, les leçons, les morales à prendre du comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Et j'ai bien détaillé, et bi idnillah azza wa jal, que ça vous serve tout au long de votre vie et dans les différentes situations que vous allez rencontrer tout au long de votre vie. Pour terminer ici, parce qu'on a parlé du partage du butin, et avant de passer dans la prochaine étape, Ghazwat Tabouk, inshaAllahu ta'ala, dans le prochain cours, ici, on prend certaines petites exhortations, d'accord? Et avant de continuer, et ici, vous savez, vous l'avez bien compris, comme on avait expliqué, Sourate An-Nasr, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهِ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Comme l'a expliqué Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu wa an abih, ici, on s'approche de la fin de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. On s'approche de la fin de la sira du prophète alayhi salatu wassalam. On est dans les dernières étapes de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Ad-durus wal-idhat allati tu'khadh min ghazwati Hunayn. Parmi les exhortations et morales, ici qu'on prend, en récapitulatif, on avait dit, ne saute pas trop sûr de toi. On avait dit ça aussi. Faut pas trop toujours être sûr de soi. Vous rappelez que lors de la bataille de Badr, que le prophète Ali a été blessé ou pas? C'est la bataille de Uhud. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète Ali salatu wassalam? Ils l'ont blessé. Ils l'ont blessé aux dents aussi ou pas? Qu'est-ce qu'il a dit? Comment un peuple qui a fait du mal au prophète, au messager, peut-il prospérer? Peut-il réussir? Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a descendu un verset coranique pour contredire cette parole? Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla dit? Laysa laka min al-amri shay'un, tu n'as aucune part dans le destin. Allah Azza wa Jalla dit au prophète alayhi salatu wassalam, ça nous rappelle et ça nous éduque qu'on ne doit jamais dire quoi? Celui-là ne sera jamais guidé. Celui-là ne réussira jamais. Celui-là, il est voué en enfer. Celui-là, khlas, entre guillemets, il pourra jamais s'en sortir. Il pourra jamais se repentir. Il pourra jamais, jamais, jamais. Attention, attention, attention. Mille attentions. Peut-être qu'Allah Azza wa Jal va guider cette personne et toi tu vas être égaré. Innama al-a'malu bi al-khawatim. Les actions ne valent que par leur fin. Peut-être qu'Allah va te scandaliser aux derniers instants de ta vie. Tu vas apostasier. Tandis que lui va se repentir sincèrement près d'Allah Azza wa Jal. Et ici, Allah va agréer son repentir, rentre au paradis et toi en enfer. Ici, le prophète Ali Sam, Allah Azza wa Jal lui dit quoi? Tu n'as aucune part dans la destinée, dans le destin. Ça incombe à Allah Azza wa Jal. Si Allah veut qu'ils prospèrent, ils prospéreront. Ça ne veut pas dire que même s'ils t'ont fait du mal, toi, Mohammed, alayhi salatu wassalam, que jamais ils prospéreront. D'accord? Et Allah a rappelé que bien sûr ce sont des injustes, mais ici pour une éducation pour nous tous. Attention de dire celui-là, khlas, c'est impossible. Celui-là, il réussira jamais. Cette sœur, jamais elle se repentira. Abadan. Faut jamais être trop sûr de soi. De façon générale. Thanian. Deuxième des choses. التوكل على الله عز وجل لا ينافي الأخذ بالأسباب. Le fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, ici ça ne veut pas dire qu'on ne place le fait de place sa confiance en Allah Azza wa Jal, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre ou utiliser les causes. Ça, c'est clair. On doit toujours utiliser les causes. وَالْأَخْذُ بِلَأَسْبَابِ فَهَذَا مِنَ التَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ. Ça, هذا واضح. C'est quelque chose de clair, connu par tous et toutes. Le fait d'utiliser les causes, ça fait partie de التَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ. Place sa confiance en Allah Azza wa Jal. Bien plus que cela. Allah Azza wa Jal dit, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Celui qui craint Allah Azza wa Jal, on va lui donner des issues favorables. Et lui donner sa subsistance d'où il ne s'attend pas. Et on a dit que at-tawakkul 'ala Allah 'azza wa jalla, c'est utiliser les causes. D'accord? Quand tu utilises les causes selon le Coran et la Sunna bi fahmi salafil umma, sache que ta subsistance viendra, elle viendra. Et Allah te rappelle sa grandeur en te disant min haythu la yahtasib, d'où il ne s'attend même pas, pour qu'il te rappelle que quoi? Allah, il veut que tu prennes les causes et que tu places ta confiance en Allah, et le reste ça incombe à Allah 'azza wa jalla. Comme je dis souvent aux frères lors de toutes ces années de récolte qu'on a fait pour la mosquée, souvent je disais ici même, parce que les frères, hafizahumullah, quand ils ont fait beaucoup de voyages à l'extérieur, dans des villes très éloignées, ils partaient quelquefois 2 semaines, 3 semaines pendant le ramadan, il y a 2 ans, 3 ans. Je me souviens, ils revenaient quelquefois avec quasiment rien. Les ikhwas qui sont partis, naam, Hamid. Quelquefois c'était un, Allahu musta'an Younes. Et quelquefois t'as le moral un peu à zéro, c'est vrai. Quelquefois ça fait un peu mal. Mais là tu es là, fils abillah. Mais quand tu as compris, c'est quoi at-tawakkul 'ala Allah 'azza wa jalla? Et al-akhdhu bil asbab, ça fait partie de tawakkul 'ala Allah 'azza wa jalla. Et que tu as compris que si tu places ta confiance en Allah, c'est-à-dire avec les causes, Allah 'azza wa jalla te donne des issues favorables et te donne ta subsistance d'où tu ne t'attends pas, wallahi t'es mertah, t'es toujours satisfait. Min haythu la yahtasib. Combien de fois les frères ont fait des causes ou on a fait des causes dans un endroit pour avoir de l'argent et on a fourni beaucoup d'efforts et je leur disais c'est par cette cause, la cause de ces efforts-là, même si on a eu 0 euro, qu'Allah Azza wa Jal va ramener bi'idnillah Azza wa Jal des 10 et des 20 000 euros d'un autre côté d'une façon plus facile. Parce que ça c'est logique ou pas? D'après ce verset coranique, na'am. Plein de fois. Plein de fois on a fait des causes et quand on restait par exemple dans la ville, on voyait qu'on faisait une petite opération où il y avait quelque chose à faire, ou alors on faisait quelques petites causes encore, et Allah Azza wa Jal nous ramenait des sommes d'argent où jamais on aurait pensé qu'il venait par là ces sommes d'argent d'une façon facile. Pourquoi? Parce que d'un côté tu as fait les causes. Et wallahi al-azim, wallahu ta'ala alamu ahkam, walakin, d'après les preuves du Coran et de la Sunna, si les causes qui n'avaient pas été faites à la base où tu n'as eu 0 euro, où tu as eu 0 euro, n'avaient pas été faites, cet argent facile d'une autre voie ne serait pas venu. Et c'est ça, at-tawakkul 'ala Allah 'azza wa jalla. Et est-ce que les compagnons, lors de la bataille de Hunayn, ils ont pris les causes, ils ont utilisé les causes? Na'am. Et ici, les causes sont très importantes. Ad-dalilu 'ala dhalik, qawluhu subhanahu wa ta'ala, wa a'iddu lahum mastata'atum min quwwah wa min ribatil khayl turhibuna bihi 'aduwwa Allah wa 'aduwwakum al-ayat. Allah 'azza wa jalla dit dans le Coran al-Karim, et préparez pour lutter contre tous ou contre eux afwan, tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre. Donc Allah Azza wa Jalla, ce qu'il dit ici, de se préparer, de prendre toutes ses armes et sa cavalerie. Est-ce qu'il a dit, c'est l'ordonné au prophète et aux compagnons de faire ça? Oui, ça c'est la preuve qu'on doit. Al-akhdhu bil asbab wajib. Thalithan wa akhiran, la budda an ya'lam al-muslim aw al-muslimuna anna an-nasra min indi Allah Azza wa Jalla. Ad-dalil 'ala dhalik, les croyants sont obligés de reconnaître et de savoir, écoutez bien, que le secours vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans toute situation, secours, il vient d'Allah azza wa jal. Tristesse, angoisse, stress, problème, les portes se ferment. Wallahi al-azim, si tu n'as pas compris que le secours vient d'Allah azza wa jal, tu vas faire que rajouter de l'angoisse sur ton angoisse, des soucis sur tes soucis, du stress sur ton stress, et tu vas être la cause que quoi? Les portes de la délivrance se ferment. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, إِن تَنْصُرُ اللَّهِ يَنْصُرْكُمْ. Si vous soutenez la cause d'Allah, Allah va vous soutenir. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, إِيَّمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا. Si Allah fait qu'un mal t'atteigne, nul ne peut l'enlever si ce n'est lui. Allah il dit dans le Coran, وَمَا نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. La victoire ne peut venir que d'Allah. Regardez tous les versets coraniques. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهِ. Allah vous a certes secouru à Badr alors que vous étiez humilié. On continue dans Nasr. والدليل على أن النصر من عند الله عز وجل. الله عز وجل يزيد القرآن الكريم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. Allah Azza wa Jalla dit, si Allah vous donne secours, nul ne peut vous vaincre. Khalas, le secours vient d'Allah. Nul ne peut vous vaincre. Et si Allah Azza wa Jalla vous abandonne, qui donc après lui vous donnera secours? Si Allah t'abandonne, Allah il dit, si Allah t'abandonne, qui donc après lui va te donner secours? Ça confirme que quoi? إِنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِي الله من عند الله جل جلاله ولذا لا بد أن الإنسان يتمسك دائما بذكر الله بكتاب الله وبسنة رسول الله وبالدعاء دائما. La personne doit s'accrocher tout le temps, quoi qu'il arrive, au rappel d'Allah, al Quran, al Karim, la Sunna du Prophète, al Du'a, invoquer Allah Azza wa Jal tout le temps, sans jamais désespérer et sans jamais penser qu'une autre personne à part Allah Azza wa Jal peut lui apporter le secours total, complet, parfait. Inna al-nasra ma'a al-sabr, wa inna al-faraja ma'a al-karb, wa inna ma'a al-usri yusra, wallahu ta'ala a'lamu ahkam, walhamdulillahi rabbil alamin.